viens dans le muguet, bande de fils de pute. Arrête de rapper, viens me lécher la flûte. J'suis pas comme un négro, j'baisse pas mon flûte. Si les condés t'interrogent, oui, mets-toi sur mute. Percer dans le peur ou vendre de la pure. Chanter des balades ou rapper la hure. On t'a vu faire le voyou, en gros faire le dur. T'as fini, on s'en prie, tu t'es pris dans le hue. Tu m'as vu dans le beamer, suivi sur Twitter. Envoie ton vieux boulet, t'achètes plein de sueur. Un feat avec toi, chez gay, j'suis pas d'humeur. Va plutôt passer le balai dans ma demeure. Et comme Stringer Bell dans The Wire, j'ai cassé mes beepers. J'ai cassé ma Jeep pour monter dans le Hummer. La caisse, y'a de la weed, forcément une bitch. Elle m'a taillé une pipe et j'ai craché ma fureur. 3h10 bar, on rôde sur le périph', chez gay, cherche la monnaie. J'ai pas percé, j'ai pas de Bentley, pas de Rolex sur le poignet. Sur le costard, fuck ton costard, chez gay, prends d'être soigné. Ma chérie, j'suis dans ta tête, j'contrôle comme un douanier. 3h10 bar, on rôde sur le périph', chez gay, cherche la monnaie. J'ai pas percé, j'ai pas de Bentley, pas de Rolex sur le poignet. Sur le costard, fuck ton costard, chez gay, prends d'être soigné. Ma chérie, j'suis dans ta tête, j'contrôle comme un douanier. J'vendrai pas mon arme pour 20 000 €. C'est des poucaves, on n'est pas comme eux. Ils se la pètent, mais ils sucent des queues. Avec ça avale, oh c'est trop dégueu. Ils tapent la scène, nous on fume la beuh. Je te l'ai déjà dit, on n'est pas comme eux. L'homme au bol, c'était pas assez. Donc je vais ramener chez Guevara 2. La vie de ma mère, c'est des rigolos. C'est pire que des impostures. Ça joue les gangsters, ça prend le posture. Mais avec ça cavale dans les jostures. Et ça me donne envie, oui envie. De recracher toute ma de oui. Et mes poumons se vident comme un bolide en réserve des pas de ma GE. Est-ce que t'as idée de ce que je vis dans ce putain de game? Tous les ennemis, tous les suceurs, tous les embrouilles, tous les groupes et les groupies qui gravitent autour de ma vie. Ouais c'est ma vie, tous les jours un défi, faut se battre la vie. Mais je me sens mieux, oui, aux côtés de ma mif. Oui, aux côtés de ma mif, putain. 3h10 bar, on rôde sur le périph', chez gay, cherche la monnaie. J'ai pas percé, j'ai pas de Bentley, pas de Rolex sur le poignet. Sur le costard, fuck ton costard, chez gay, prends d'être soigné. Ma chérie, j'suis dans ta tête, j'contrôle comme un douanier. 3h10 bar, on rôde sur le périph', chez gay, cherche la monnaie. J'ai pas percé, j'ai pas de Bentley, pas de Rolex sur le poignet. Sur le costard, fuck ton costard, chez gay, prends d'être soigné. Ma chérie, j'suis dans ta tête, j'contrôle comme un douanier. Comme un douanier. Comme un douanier. Comme un douanier. Ma chérie, j'suis dans ta tête, j'contrôle comme un douanier. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Dayway dans La Nocturne maintenant. 100% rap français. Bon alors, t'as répondu ou pas? Non, vas-y, c'est bon, laisse tomber. Yeah. Pour commencer, ça fait l'âne. D'après ce qu'on a dit, une nouvelle nana. Bien chargée, j'aime que ça. Elle vient du sud, alléluia. C'est vrai que je viens du nord, il fait trop froid. Elle est bien stylée, crois-moi. Je la trouve vraiment trop charmante. Je la trouve vraiment trop marrante. Elle squatte avec une meuf, et c'était mon ex. Mais que va-t-elle dire, je me pose des tions caisse. C'est pas mes affaires, oui, faudrait qu'elle stèse. C'est pas mes affaires, oui, faudrait qu'elle stèse. J'aimerais la croiser en solo, solo. Là où il n'y aura pas tous ces poteaux. Là où on pourrait parler cadeau. Vas-y, viens, je t'emmène voyager, voyager. Crois-moi, c'est pas grave, tu ne vas pas regretter, regretter. J'aimerais me poser, me poser, me poser. Je t'attends, crois-moi. Week-end prochain, je dois la voir. Seul des nets, juste elle et moi. Trop pressé de la voir. Toutes les nets, j'ai pensé à ça. Je rêve de faire le tour du monde. Je voyage sans aucune pression. Je ne pense pas qu'on vient du même monde. Oh non, non, non. Je pense à elle chaque seconde. J'aimerais la revoir toutes les secondes. Mais pourtant, la vie bien issue. Oh oui, oui, oui. Ah la la la la. Feeling où j'aime ça. Tu penses qu'on finirait ensemble. C'est vrai que j'attends ta réponse. Appelle-moi si tu veux qu'on cause. Hey. Appelle-moi si tu veux qu'on cause. Sa pote me regarde de travers, de travers. Je lui sers un verre, un verre, un verre. Elle me parle de ses affaires. Je lui demande d'aller faire un tour. Laisse-moi avec un an. Faut que je gère, faut que je gère. Faut que je gère, je ferai tout pour la voir.

sur le sourire aux lèvres. J'suis dans le réseau, v'là que les soucis s'amènent. C'était la bonne époque, on faisait du foot, on faisait des gamètes. Grandi dans la tête, on faisait des sous, d'autres manger la gamète. J'suis toujours dans le délire, tout niqué, j'en fais mon affaire. J'avoue, t'es pas terrible, laissez-moi la mélodie, ma paix. Tu sais, la vie était plus dure y'a des années en arrière. Eh, j'me plains tous les jours, j'en oublie de faire la prière. J'suis posé sur un banc. J'roule mon pet et je tue le temps. J'lâche un sourire, mais j'suis pas content. Ils font des phases un peu trop souvent. Ouais, j'galère dans le bain, mon ami. Igo, ta bêtise, elle est trop sauce. Ah, pas de pote, j'fuis mon pet sous la flotte. J'fais P2 à clochette, elle parle konnichiwa. Ah, j'ai la haine, j'vois la mort. J'me réveille, le chétan me fait des boussas. Ah, les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Ouais, j'galère dans le bain, mon ami. J'ai l'air trop sosa, ah, pas de pote, j'fais mon pet sous la flotte. J'fais P2 à clochette, elle parle konnichiwa. Ah, j'ai la haine, j'vois la main. J'me réveille, le chétan me fait des poussins. Ah, les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Rap français, planète rap. La nocturne. Direction Toulouse, le 31. Denfima, le morceau s'appelle Bien sûr, c'est dans la nocturne 100% rap français. Bien sûr qu'on est des demi-dieux. Pour nous c'est plus qu'évident. Depuis le départ prodigieux, on ressuscite les petits vieux. Bien sûr qu'il y a un colis piégé sur le trône. Tic-tac, mon talent est un putain d'handicap. Est-ce que tu sais qu'on est fait tous les fous dès le premier couplet qu'on les cloue? Lorsque vous disiez que le rap était mort, mais de qui parliez-vous? Je les vois nous éviter, terrifiés. Rêve de la lune, mais sont bourreaux de la cune et n'ont pas de créativité. Dans ce rap, on a tout mis. Fut et grave à la douille. Mon équipe est en guerre. Bagheera, Balou, Mowgli. Ça travaille plus ses rimes, ça pose nous sa corée. Vos bring bring, c'est les bijoux de la Castafiore. Bien sûr qu'on est des magiciens, les autres sont des imposteurs. Vos sœurs nous veulent imposter. Je ne ferai jamais l'idiot si mon buzz rétrécit. Je réfléchis trop, mais moi je réfléchis. Bien sûr qu'on est prêt, bien sûr qu'on est prêt. T'aimes le rap français, mais c'est nous que tu préfères. L'enfer et le paradis sont deux points de vue. Tu voulais rentrer dans l'histoire, bienvenue, bienvenue. Les bagarres, on ne croira jamais qu'être cultivé c'est naze. Viens pas me parler de faux sites à papier dans mon bas. Bien sûr qu'on est milliardaire et qu'on travaille juste au cas où je suis encore célibataire. Alors dis-moi pourquoi t'es jaloux depuis que je kick. On dit que les Beatles ont ressuscité. Pire que les meurtres de Tupac et Biggie sont élucidés. Ça se bat pour la verdure, ça s'en bat de verre. D'un certain que rien n'est jamais perdu dès que je rêve d'un président métissé. Moi, ça me donne des idées noires. Je préfère un dictateur en fauteuil roulant à l'Elysée. Majoritairement résigné, dépité d'espoir vidé. Après le lycée, soit t'as les sous, soit t'as bien révisé. Bien sûr qu'une simple raclette peut nous inspirer grave. Comme une scène de raquette peut nous indigner. Rapper, c'est se taper vocalement. Je suis lourd parce que mon poids ne s'affiche pas sur vos balances. Bien sûr qu'on est prêt, bien sûr qu'on est prêt. T'aimes le rap français, mais c'est nous que tu préfères. L'enfer et le paradis sont deux points de vue. Tu voulais rentrer dans l'histoire, bienvenue, bienvenue. Dans la nocturne 100% rap français, une grosse force à lui, une grosse dédicace. Le morceau s'appelle Bien sûr, elle débarque dès lundi dans Planète Rap avec son album qui s'appelle Jolie Garce. Et loupez pas aussi les images dès lundi entre 20h et 21h, il y a quelques surprises qui vous attendent dans Planète Rap. Voici Shy. Planète Rap 100% rap français. On se voyait par laser, on se voyait travailler. obtenir la villa sous les palmiers. À faire serre en échec, on a paniqué. À écouter les autres, les rêves se calcinent. Le magnum sur la bleue, t'as va neutraliser. On a dit si l'imperson va tout salir. Enfant d'Afrique au top, c'était inespéré. C'était les simples moments immortalisés. On dit faut arrêter quand le cœur te fait plus d'effet. Les insultes des bolos ne me font plus d'effet. 9 fois je suis tombée, 10 fois je me suis relevée. Oh yeah, oh yeah. Dans la cabeça, faut que ça fuse, faut que ça vive. On demande qu'est-ce que je veux avoir. Je réponds tout, je suis facile. Mais les pauvres, faire pire que interdit. Si tu veux savoir, si tu veux, la voix dans ma tête me dit d'aller danser. Tu me dis fais les danser, la voix dans ma tête me dit fais les danser, la voix dans ma tête me dit fais les danser, dans ma tête me dit fais les danser. Oui tu connais bien la chayadème, attitude de clé ou pas trouver mon scarabée. À quoi ressemble la célébrité? Pendant que je faisais des squats, on m'a photographié. La chicha électrique m'a contaminé. Ainsi que mon frère jumeau et tout le quartier. Si tu mets la barre haute, tu vas l'attraper. Je me voyais faire le double, j'ai fait le quadruplé. On me dit faut arrêter quand le cœur te fait plus d'effet. Les insultes des bolos ne me font plus d'effet. 9 fois je suis tombée, 10 fois je me suis relevée. Oh yeah. Oh yeah. Dans la cabeça, faut que ça fuse, faut que ça vive. On demande qu'est-ce que je veux avoir. Je réponds tout, je suis facile. Mais les pouvoirs, faire pire que interdit. Si tu veux savoir, si tu veux, la voix dans ma tête me dit fais les danser. La voix dans ma tête me dit fais les danser. La voix dans ma tête me dit fais les danser. Les salines, je vais les toucher. Y'a que ma conscience et ma mère qui sont écoutées. Tu nous as cherché, Eureka. T'as dansé, tu nous as trouvé. La cabeça, faut que ça fuse, faut que ça vive. Je veux avoir, je réponds tout, je suis facile. Mais les pouvoirs, faire pire que interdit. Si tu veux savoir, si tu veux, la voix dans ma tête me dit fais les danser. La voix dans ma tête me dit fais les danser. La voix dans ma tête me dit fais les danser. La voix dans ma tête me dit fais les danser. Ma tête me dit fais les 100% rap français. Planète Rap. La nocturne. Pour le moment je suis au bendo, je pique rafé, je nous et bédo. Pour le moment je suis au bendo, je pique rafé, je nous et bédo. Pour le moment je suis au bendo, au bendo. Pour le moment je suis au bendo, je pique rafé, je nous et bédo. Neuf trois débrouille et fait des bis. J'entends qu'ils me disent. T'as l'air d'être un peu touché, mon petit Socrate. C'est ce que mes ex me disent, ce que mes ex me disent. J'déboule dans le game comme une perquise. J'vois des perquitis frustrés, y'a pas de liquide. Qui frappent leurs femmes devant leurs kids. Se battent pour la garde partagée devant la justice. Hey, ouais, c'est moi, oui, ce n'est que moi. Ça s'est passé devant moi et j'ai laissé faire ce mal. Designer de la street, tu me connais, ça sert à rien de m'y tonner. L'été prochain, tu me verras en féfé avec Barbie silicone. Pour le moment, je suis au bendo, je pique rafé, chou et bédo. Pour le moment, je suis au bendo, je pique rafé, chou et bédo. Pour le moment, je suis au bendo, au bendo. Pour le moment, je suis au bendo, je pique rafé, chou et bédo. Neuf crosses de brouille et fait des bises. Neuf crosses de brouille et fait des bises. 45 dans la ceinture, des ceintures pour me désarmer. On sait jamais qui nous veut la cerner. Du placard j'en ai fait des années dans la confusion, la peine s'éternit. Je pense à Doudou, le cœur plombé, la force à Boubou. Toka tête mif c'est Boubou. C'était l'époque de Bigou, des bisgots de ouf, tous ces souvenirs qui me coupent le souffle. Quand tu possèdes ce que tout le monde veut, tu files devant eux pour qu'ils fassent un feu. Nabi Koulibaly a trouvé la mort, parce que la rue ce n'est pas un jeu. Designer de la street, tu me connais, ça sert à rien de m'y donner. L'été prochain, tu me verras en féfé avec Barbie silicone. Pour le moment, je suis au bento, je pique rafle, je joue et bédo. Pour le moment, je suis au bento, je pique rafle, je joue et bédo. Pour le moment, je suis au bento, au bento. Pour le moment, je suis au bento, je pique rafle, je joue et bédo. Le cross de brouille fait des bis. Le cross de brouille fait des bis. Le cross de brouille fait des bis. Le cross de brouille fait des bis. Open door. Le cross de brouille fait des bis. Open door. Le cross de brouille fait des bis. Pour le moment, je suis open door. Je pique rafle, chaud et bédo. Mac Tailleur dans la nocturne 100% rap français. 9-3 se débrouille. A venir, Seth Gecko, extrait de son album qui est dans les bacs. Barlou, ça arrive. On écoutera du Swiftgat, du Sofiane aussi. Une bonne nocturne à vous tous. Rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Ce que j'attends, mais c'est quand tu te lances. Rapproche-moi vers l'avant pendant que tu danses. Comme des sauvages, baby, ce soir on fait comme des sauvages. Bouge ton gros cul sur moi, fuck l'entourage, yeah. Fais jumper les dollars, yeah. Allo, mamma mia. Allo, on rentre à la maison quand je te donne le signal. Baby, ne fais pas la timide, viens danser à ma table. Oh, oh, yeah. Elle taffe dans un bar à tapin, pas un bar à tapas. Soirée, la mis sa jupe des collières et sa barre et ta pince. Ne sois pas en colère, t'occupe pas des commères, laisse-moi tâter tes ins. Elle veut un barlou en gamos, pas une tape et ta pince. Relève la tête, faudrait pas que tes cheveux dans ma braguette se coincent. J'suis un crapaud bitch, j'suis loin d'être un prince. Toi Krapovitch, elle me pince sur la bécane. J'ai de l'amour propre, mais j'aime l'amour sale. T'attends ce que j'attends, mais c'est quand tu te lances. Rapproche-moi vers l'avant pendant que tu danses. Comme des sauvages, baby, ce soir on fait comme des sauvages. Bouge ton gros cul sur moi, fuck l'entourage, yeah. Fais jumper les dollars, yeah. Allo, mamma mia. Allo, on rentre à la maison quand je te donne le signal. Baby, ne fais pas la timide, viens danser à ma table. Oh, oh. On a de l'air sur les dents. Rolex pour compter le temps. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu ressens. Pull up en pont sur les champs. Regarde pas derrière, je suis devant. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu ressens. Et puis je peux lire dans tes pensées comme si j'étais lourd. Oh. Baby, je peux lire dans tes pensées comme si j'étais Laura. Oh, bam, bam, bam, yeah. Ta chatte, t'as trop de kilomètres. Tu twerk, mets ton boule au maker. Prends pas ma messagerie pour le bureau des pleurs. Fallait pas se frotter au bourreau des cœurs. Elle est belle, mais que la nuit comme la tour Eiffel. Pour monter sur ses talons, sa pote lui fait la courte échelle. Les mecs la payent en coke, ses narines, ses Courchevel. Elle a un bête de corps, mais lui reste-t-il encore un bout de cervelle? T'attends ce que j'attends, mais c'est quand tu te lances. Rapproche-moi vers l'avant pendant que tu danses. Comme des sauvages, baby, ce soir on fait comme des sauvages. Bouge ton gros cul sur moi, fuck l'entourage, yeah. Fais jumper les dollars, yeah. Allo, mamma mia. On rentre à la maison quand je te donne le signal. Baby, ne fais pas la timide, viens danser à ma table. Oh, oh, oh. Rap 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Jeff, fiance. Touche pas le petit frérot, on va s'en mêler. À vos calculettes, je vais sortir ma dalle. D'une bouchée, d'une seule, mon équipe t'avale. Tu peux faire le cost, d'autre manière, on va t'aider. C'est pas la télé, bénéf sous scellé. Partout chez moi, dans la France, imbécile. Fais-moi de la monnaie sur le prix d'une villa. Harki t'a prié, Jésus sous la rafale. Libéré Bachau, libéré Bachau, sors pas de la cantillée. Descends sous-marin, roule une torpille. On t'épargne, tout dépend de la couleur du billet. Tout le monde a brillé, pas né pour briller. Laisse tout dans le trou, dans la tête, c'est la Syrie. J'porte le pare-balles et mes couilles quand ça tire. Du sang dans le drapeau, mes larmes pour Sofiane Miri. Mets de l'oseille dedans, quand j'te dis fais-le. C'est le démon Fondo qui y a pour la couper. Rafale tire groupé, combien de fois t'as loupé. Haïti, Colombia, la Guadeloupe. V'là les caméras, ça part en pied-point. Pêche dans le daron, balayette, femme enceinte. Tout ce qu'on veut, c'est l'or, le compte de tous ces morts. J'ai du somme qui perd fort, on sait pas du 22. Guérir aux éclats, qui donne des frissons. Qui sort de prison, qui sourit, fait crari. On veut ta défaite, s'en fout de la victoire. Raconte-moi une histoire, un compte de Ferrari. C'est pour les grands frères, c'est pour les grands frères. Drap blanc, fusil à pompe 80 CR. Qui pense à toi, ça fait deux mois. Qu'arrive dans ton dos et qui crie, te rappelle de moi. Dehors c'est ouais, le match on truc. Ta petite sœur dans son troisième film de Hulk. Dans le jeu d'abord avec l'ange de la mort. Un PC, j'ai senti son souffle dans ma nuque. Une disparition, une boule de fumée. Un chinois en Chine, un bail fort la touba. Remets la soupape, gros jamais assez. Car je connais des mecs qu'on dit fois l'oseille à Booba. Coupable, coupable, le rat c'est nagé. Demain c'est large, de la lessive dans le sachet. Règle tes ardois si tu veux qu'on te laisse âgé. Y'a pas très longtemps de guerre, on fume le messager. Petit frère tu sais pas, petit frère tu sais pas. Méfie-toi toujours du mec que t'as devant toi. La rue est grande, il coupe ta viande. Du 44 pour perforer la viande. Regarde dans mes yeux, pas de cagoule pour toi. Tu sens le cœur du cirque et tout ça moelle. Ça boit ton sang, mange tes os et ta moelle. C'est ton jour pour l'anniversaire, joyeux Noël. T'as tout perdu, tu vas te refaire. De 0 à 100, y'a besoin que d'un coup. De la daronne et son sang à une fin de. Frère, on a mangé du pain dans du pain, nous. Sky dans le gosier, fin de négocier. Prépare le pompe pour scier ton carré. Madame la juge, on a grandi trop zère. Assis sur une chouin qu'à la tête à Djorka F. Calme ta mère l'ancien, j'suis pas ton petit frère. Que des manchettes d'Adriano à l'Inter. Qui menace la famille sur le Facebook d'amour. J'connais des enfants qu'on paye pas en Kinder. Tu parles d'un cauchemar, tu parles d'un cauchemar. Un réveil cellule, une soirée d'alcool. En course poursuite, quand l'hélico décolle. Ton ennemi qu'attend ton fils devant l'école. Ça compte les bons points, savant, salive. Calibre sur le bon coin, kilo sur eBay. Équipe équipée, ça fume le Tibet. Mets-toi bien gazé, la FDJ qui paie. On est tous bourrés, on est tous bourrés. Tapin, vodka, cuisine, Pontus, Transat, Rodka, Chivas, Coca. Un frère mus, deux frères mus qui sent la vodka. Un Merco récent, un brave parcours. Marmelé des marmeleurs, les petits bras tout. Foutu à 15 ans, on voit les bains de sang. On fait les bains de sang, y'a du ketchup partout. Grandi dans le carnage, braqueur du mariage. Retour du Bénin, du hype dans les bagages. Demande à Frank, tu sais ce que c'est qu'un hasard. La NASA, civil camouflé pour John NASA. Fermage de cellules, descente de rideau. Tonnerre d'imposteur, avalanche de mythos. L'amour c'est vaisseau, les limites ont tes sauts. T'es sûr que tu veux vraiment passer chez So, hein? Jeff, la casté, pas mal d'argenteuil, la brosou, hier 9-1, 17ème, cité Rougemont, Moulin Neuf, cité Rouge 19ème, Félix Piat, le parc, Herbel, SFC, André Lursa, les USA, Blanco, Jeff, je suis passé chez So. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. R.S. R.S. Comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Zaïroi sauvage, 243 comme Yannick Bolassi. On perd pas à l'extérieur, on perd pas à domicile. Volontaire et l'homicide. Je sais que les médias font semblant de pas savoir qu'au Congo il se passe un génocide. Tu vas featuring, réponse négative. Amène-nous des plans à but lucratif. Ici c'est tout pour l'attaque. Comme le FC Barcelone et Fayad offensif. Tous mes sauvages sont dangereux. Ah ouais? Tous mes sauvages sont très agressifs. Traite des mères sur internet. Ah ouais? En face tu finis, un soin intensif. Qui vivra verra, toujours un crâne zéra. Faut même pas me terra, mes gars sur le terrain. Bas les couilles de ta vie, c'est que tu peuras. J'rappe mieux que toi et t'as la jura. T'as trop

jungle. Tu sais que les polos sont abonnés. J'fume la purple. J'ai passé tout mon temps, check sa zone. Un seul numéro 1. Deuxième, c'est dernier. Maman, j'arrive de 3 millions, j'compte à la zone. Là, faut que j'rentabilise. Là, faut que j'rentabilise. Ils t'ignorent, ils rentabilisent. Elles t'ignorent, elles rentabilisent. Si j'claque, j'rentabilise. Si j'claque, j'rentabilise. Rattraper le temps perdu en euros, histoire que j'rentabilise. Planète Rap 100% Explicit Lyrics. Yeah, yeah, yeah, yeah. C'est des pros que les miens distillent. Je veux une grosse prod, je veux un petit stick. Je manie les mots tellement c'est propre, je pourrais être prof de linguistique. Pas de Louis Vuitton ni d'Armanière, max 90 au pied. Tu me croyais mort, demande à Mani, il me reste des prods à disloquer. Au micro, je t'ai dit, je fracasse. Je suis déterre, le bitch, je shoot. Merde, c'est moi ou Lady Gaga. À la dégaine de Beetlejuice, les soucis me rongent, la fume me kill. Je suis tout mec, pas peu donnant. Pour les cacher, j'accepte que du liquide ou bien de la peu dolant. Vas-y, viens dans l'oreille, crois pas que j'amasse des housses comme les Grimaldi. Je fais de la slick intemporelle comme Amadeus ou Vivaldi. Vite va le dire à ses acteurs, le galérien est de retour. Préviens les détracteurs car j'ai rien et je veux tout. Génération un peu du peur qui fume des bêtes, aime trop se marrer. Les caricatures ça choque personne sauf quand c'est le père de Stromae. Faut pas charrier, c'est les mêmes qui diront comment aller tout est clean. J'suis pas Charlie frérot, j'suis Adama, j'suis Malik ou c'est qu'une misère insensée. Quand les chefs d'état détendent des tas de mallettes, crois-tu vraiment qu'un seul français soit vraiment pour l'état d'alerte? Va pas leur demander des comptes même si on les défère sur Kilmi. Plus rien sur le 49-3, les médias préfèrent Burkini. J'ai l'éloquence d'un Lucini, mais marre de voir mes gars frier. Ça y est, l'épreuve du temps arrive, plus que 2-3 textes à crier. J'suis comme Musée, si la vérité, on ne me laisse pas crier, j'paye pas d'impôts. Mais moi aussi, j'vais finir par m'expatrier. Car j'vois le peuple en patrie faible et sans pouvoir de rébellion. Moi dans cette jungle, j'suis prêt à me sacrifier pour voir au remélion. T'auras beau essayer, t'auras ni ma plume ni mon passé. Mec, à peine une minute que j'rappe, mais déjà plus 10 mots placés. Ouais, des rimes, j'en ai plein. Le micro, j'déforme, dès j'kick, c'est lourd, allez qu'il porte plainte. J'emmerde ton effort, Eric Zemmour. Bah ouais, tu vas hocher la tête, l'instru, j'l'achève. J'suis comme cet enfoiré de Bart Simpson. Face au chef, oui, comme des rimes à la chaîne qui gonne. Quand Dieu de cours impressionniste, pas moi, j'décris le commun des mortels. Comme un impressionniste, toujours au bon endroit. J'dédicace mes récits à mes jeunes loups. Mais merde, j'vais retourner à Pôle emploi si jamais je me loupe. Vu la sereine sans verser, j'peux pas dire que mon archive, j'ai plus de sang versé. J'suis venu renverser leur monarchie. L'homme séparé par des frontières, par des murs mitoyens immondes. Que ces connards le veuillent ou pas, on est tous citoyens du monde. Va falloir prendre ta part, t'es fou, mec. Crois pas que les timides graillent, c'est la classique pour give me five. J'ai nous-mêmes les petits mitrailles. J'ai des pros que les miens distillent. J'veux une grosse prod, j'veux un petit stick. J'manie les mots tellement c'est propre. J'pourrais être prof de linguistique. J'essaie d'être innovant, prêt à craquer. Tu me crois en temps. T'as recrié, 18 novembre, j'aurai marqué d'une croix sur ton calendrier. Ah, la craps. Money, money, money days. Nocturne 100% rap français. Planète rap. 100% rap français. Swift God dans la nocturne, Many Days. Aïe, aïe, Swift God, Swift God, Masterpiece, Masterpiece. Tu le connais, tu le connais. Aïe. Tu mélanges alcool même avec soda sans gaz. Je suis inconnu, je suis comme un soldat sans blase. Froid du cœur à l'abdomen, chez moi c'est l'Alaska. Et la moindre femme fontaine devient une femme cascade. Le gamin se prenait pour Tony ou bien pour Capadonna. Avec les fautes que j'ai commis, je suis pas un cas pardonnable. Quand certains ont pris la tangente, moi j'ai pris la diagonale. J'ai mis la main quand fallait pas comme Diego Maradona. Je piavrais du whisky jusqu'à la crise de foi. J'aime pas les hommes de loi, je préfère de loin les filles de joie. Je ne comprends rien à la raison et la maîtrise de soi. J'enchaîne les prises de stupéfiants avec les prises de poids. Moi je suis un fumeur de terre, non pas un buveur de thé. Je me rafraîchis qu'avec des boissons qui font plusieurs degrés. Tu seras fragile même si t'es bouillant et que tu sembles fort. Je me sens vivant parce que j'ai tiré dans un angle mort. Ici tout le monde est d'accord et tu nous connais, connais. C'est parce que nous ce qu'on veut d'abord c'est faire la monnaie, monnaie. Appelle-moi Swift le matador, des fois je suis olé olé. J'ai tellement esquivé la mort qu'on devrait mourir olé olé.

lesquels ils croient que je triche. Hop hop hop hop, c'est des attaques, leur fais pas la bise, frérot. Rom pom pom pom, j'suis pas sur la piste. On est dans le vip, on prend des maths, tu mets j'suis sur liste, frérot. Tellement je les ken, ils croient que je triche. C'était mes grands, c'est devenu mes fils. Rom pom pom pom, j'suis pas sur la piste, non non. C'est des attaques, ils leur fais pas la bise. Planète rap, 100% rap français. J'ai pas pigé, c'est pour Fatou et Richard. On se mélange pas, y'a qu'au Maroc que je suis rabat. Bel, bel. On se mélange pas, on pique ta mère si tu parles mal. J'ai pas quitté la tête, c'est comme d'hab. Du liquide pour la Honda. Ouais. Bouge ton dos, ma belle là, elle fait kiffer mes potos. Mais elle est à moi, on va se rouler, ça sera pas ta massa. J'vais te goumer après un bon massage. On se mélange up. Soldats, touche à un tes dettes, c'est comme ça. Si mes gars vont rentrer pas, chante pas. Physio, laisse passer mes dents. Tu peux me trouver là où tu n'es pas. J'suis ce rebeu qui danse comme un renoir. Ferme ta gueule, ta wello, donc crime pas. J'aime les Rachida, Fatima, Binta. Les mal, ah, que mon équipe auprès de moi, ah, tu ressembles à mon verre, t'es une tasse, ah, serre pas la main, on se connaît pas, ah, t'étais où quand ça allait mal, ah, que mon équipe auprès de moi, ah, tu ressembles à mon verre, t'es une tasse, ouah. On se mélange pas, oh, ouais, ouais, ouais, même si t'es bon atroce, oh, ouais, ouais, ouais, pas les coups, tu m'aimes pas, oh, ouais, ouais, ouais, il fait le mal un coup de crosse, oh, ouais, ouais, ouais, on se mélange pas, même si t'es bon atroce. Vois les coups, tu m'aimes pas. Il fait le mal à toute crasse. Alrima dans la nocturne 100% rap français sur Skyrock. On va écouter Shai qui débarque dès lundi dans Planète Rap, 20h-21h, et puis mater les images aussi, allez télécharger l'appli Skyrock sur le skyrock.fm, il y a plein de surprises qui vous attendent aussi en images lundi 20h-21h. 100% rap français, Planète Rap. La nocturne. On attaque la session classique après le morceau de Shai. Ma mère me dit de rester sage, laissez passer cet orage, c'est aujourd'hui qu'on passe. Qu'on quittera le rage. Ma mère me dit de rester sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on passe. Pas demain qu'on quittera le rage. J'ai dû rafler, rafler. D'aller, d'aller. Pénache me dis moi, salvé, salvé. Faut mettre bien la mif, donc faut mailler, mailler. Des euros dans ta poche, y'en a jamais assez. Je rêve de quartier, quartier. Va dire à mon ex, il a raté, raté. La daronne pense au bled, elle en a vraiment. Jusqu'à ce qu'on puisse évader, fader. Le corps d'une princesse, visage maléfique. Tu t'es fait ketchup, je trouve ça magnifique. Tout marche pour moi, rien marche pour ces bitches. À croire que leurs bails sont paraplégiques. Ici on brasse autant qu'on bédave. Le Glock et le joint sont bien géchards. On en veut après ton héritage. Le pied et les yeux de cheveux. Ma mère était douce et sage. Laissez passer cet orage.

c'est la fin des haricots, y'a plus d'OP. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes fort. Oui, oui, si, si, c'est toujours pour ceux qui sentent. 93 hardcore, tandem, le balafré. 93 hardcore, ouais, oui, oui, si, si. 93 hardcore, ça vient d'au père, mon frère. On a la dalle. 93 hardcore. Ma tailleur et ma craie de corps. Levez les bras si vous êtes fort. 93 hardcore. 93 hardcore. 93 hardcore. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Les sommes mentent, mais pas les chiffres.

superficiel. J'ai vu de mes yeux vus retourner au pays mon ami, lui qui n'en voulait plus. Méticuleusement mais sûrement, les forces devraient se tenir pour aller de l'avant, en sachant que ce qui n'est pas sur les feuilles de leur actualité peut être révoltant. Les crimes en 61 sont un exemple. Hurlant émigration, moins papier, plus prison égale double peine perdue. Français, tu dors à un centime de sentiment. N'estime pas celui qui dit lutter pour la se franc. Pas de logique, l'idéologie part en couille. Mais pour analyser, personne ne se mouille. Tout le monde tripe sur son bulletin de vote. Trois mois après, allez hop, coup de botte. Tu t'es fait bébard, mais tu l'as bien cherché. Et par ta faute, le blâme s'installe dans la face des immigrés. Cesse de participer au massacre de la conscience. Les partis politiques bidons rendent amère la douce France. Pense à tes enfants, l'avenir est déjà flou. Asé s'est posé, maintenant c'est à toi le début. Prends mes empreintes digitales, fiche-moi. Quand je plaisais bien, je m'en fiche. Moi les fichiers, j'en ai déjà plein. C'est pas l'hier que je subis des humiliations, les gouvernements changent. Mais y'a pas l'amélioration, je rêve plus. Mes ambitions sont interdites. Mon futur s'éprise, mes droits me quittent. Tu payes, j'ai compris que l'éthique et l'équité n'étaient pas les mêmes selon ta provenance et ta beauté. En comptant de ta culture, en langage ta religion, tout ce qui nous divise est bon pour cette nation. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire. On se lie contre nous, l'État lui fait ses affaires. Il n'aime pas notre unité, il n'aime pas nos différences. Soyons tous différents et unis, les conséquences se verront, ça paiera. Ou sinon ça pètera, de toute façon, réaction. On peut plus baisser les bras comme ça, gars. Ouais, maintenant plein le nom. À celle qui ne sait si se taire, c'est toute extrémité bizarre. La lumière poursuit l'aveugle, destin amer. Je cherche le bien mais je m'attends au mal. Je flaire Lucifer sur terre, ce que réserve le fou pour la fin. Le sage le place en tête à tête. La vérité n'est pas montrée nue, mais en chemise. Plus on sait, moins on affirme. Pour te servir, Freeman avec sa firme. Vos mères, vos mères, vos mères, vos mères. Je commence quand la France défonce des églises à coups de hache. Leur mère. Comment tu veux que je respecte tes lois, ton drapeau, ton état, alors tu respectes même pas Dieu. Ah. Au sein du pays, du pain, du vin, du poussin, je suis pas blond. Je nique la rage. Et j'ai pas les yeux bleus, non. Mais comme eux, je bouffe des pâtes et j'éclate même leur avec. Certains diront, je m'en fous de vos trucs, de vos lois, pour toi, manifestation. De bidon. C'est pas un morceau de rappeur qui fera peur, mais on peut quand même engrainer, engrainer, engrainer. Allons enfants dans cet alopris. Bougez vos fions, question, ça parle de révolution. Prendras-tu les munitions? Beaucoup jouent les hardis, partis. Et ne veulent pas mourir. Alors vas-y, toi, dis-moi comment tu veux le paradis. Paradis. Ce morceau a presque 20 piges. C'est bizarre d'ailleurs de réécouter maintenant, surtout vu le contexte actuel. Les primaires, les présidentielles qui arrivent et tout. Il n'a pas vieilli ce morceau. 11:30 contre les Loirs à 6, c'est ce qu'on écoutait pour conclure la Nocturne Session classique. À l'instant, merci d'avoir veillé tard, merci d'avoir passé la soirée avec la Nocturne. Prochaine Nocturne dans une semaine, lundi, il y a Shai qui débarque entre 20h et 21h. Shai et son album Jolie Garce à découvrir tous les soirs de la semaine, c'est entre 20h et 21h. Passez une bonne nuit, un beau week-end tout le monde. À lundi. Fabuleux. C'est parti. Rap R&B en non-stop. Du rap et du R&B. Rap and R&B.